Elle veut du bif de la coca, elle s'est prise pour le coq et les Zelda. Elle est belle mais elle côtoie le shaitan. Elle veut me noyer dans un océan trop long. Baba me fait tout le temps rappel, il me dit qu'elle va t'envoûter, te rendre malade. Mais moi comme mes frères de Nia, je l'aime. Et j'espère mourir loin de ses péchés, Inch'Allah. Passer dans la Benz, on fait plus de bénéfices, fais moins de hasanet. J'pense à ceux qui manquent à l'appel. Et je me dis l'arham el imad. Et quand arrivera mon heure, moi j'disparaîtrai mes pas, mes erreurs. Et toutes mes peurs de ce monde ne sont rien face à mes peurs du créateur. Des fois je m'oublie, j'perds la foi dans les tentations d'Iblis. Dans un hôtel Ibis, avec Shitana et une taille de 8-6. J'fais de la guerre à mon âme, et j'ai plus besoin de repentir ou de laver. Des fois je me blâme, est-ce toi Dunia ou c'est moi qui est mauvais? Je reste sans réponse et je me demande qui va me sauver. Je me vois dans mes songes, errant à tout jamais dans le mauvais. Cette culpabilité m'insupporte, mais je me dois de rester fort. Je demande pas.